Chapitre 15e. Engagement de Dorothée. Le boulanger arbitraire qui distribuait les dîners de ses pratiques comme un paquet de cartes à une heure fixe et obligeait ainsi Dob à dîner à une heure tous les dimanches n'exerçait aucune autre influence sur le reste des arrangements domestiques de ce gentleman pour le reste du jour. Et presque tous les dimanches soirs de l'année, le commis brasseur avait l'habitude de recevoir ses amis d'une manière aussi économique que primitive. Nulle préparation difficile ne se faisait avec les gémissements et les grincements de dents de Madame Dob pour les dimanches d'Henri Adolphe. Aucun effrayant calcul d'arithmétique pour compter les cuillères et les fourchettes, les couteaux à découper et à dessert, les rince-bouches et les salières n'occupaient le temps de cette dame. Jamais on n'avait à consulter le maître d'hôtel d'Extra, propriétaire d'une métairie voisine, sur ses engagements antérieurs avant que les autres soient invités. Le ménage d'un des premiers colons établis dans les buissons de l'Australie pouvait à peine être plus sans cérémonie que la manière dont Dob recevait ses amis. À une heure incertaine, quand toutes les choses nécessaires au thé étaient emportées, le petit cercle commençait à se rassembler. C'était toujours le même cercle, composé de la même manière. Et ce qui s'y faisait un dimanche, s'y faisait presque tous les dimanches de l'année. Aussi bien l'hiver, quand le crépuscule se changeait en ténèbres, que l'été, lorsqu'après le coucher du soleil, l'obscurité commençait, les amis de Dob arrivaient au villa à Manda et s'y établissaient pour passer une agréable soirée. Dans le cercle de l'employé, on comprenait bien la phrase « tombée à l'improviste, sans cérémonie ». Cela voulait dire que le costume n'était pas de rigueur et pas tout à fait semblable à celui que Lord Chamberlain exige des hôtes qui l'habitent chez sa royale maîtresse. Cela voulait dire que les cravates flamboyantes et les gilets de couleur étaient admis et que Madame Dob permettait de fumer avec une indulgence illimitée. Cela s'étendait même assez loin pour signifier qu'elle tolérait que ses hôtes restassent en manche de chemise par les temps très chauds et qu'il n'admettait le système financier concernant les rafraîchissements et le tabac que Dob nommait brièvement Yorkshire mais qui nous est connu plus familièrement par la chanson boire écossaise Auld Lang Syne, et dans lequel le plus noble esprit de sociabilité semble s'incorporer dans la règle que chacun doit payer son écho. Le rafraîchissement que les visiteurs de Dob préféraient était un mélange mi-porteur, mi-ale. Lorsque les quatre ou cinq amis qui tombaient à l'improviste chez l'employé étaient rassemblés, on envoyait la bonne à tout faire à la taverne la plus proche pour chercher un gallon de bière mélangée et un quart de livre d'œil d'oiseau chez le marchand de tabac. Dob, comme commis brasseur et chef de famille, avait une caisse de vin venant de la brasserie pour la consommation de son ménage. Mais Dob, comme amphitryon, préférait le mélange mi-porteur et mi-ale payé comptant et venait de la taverne. Car le système de chacun son écho aurait été mal appliqué si la bière eût été tirée de sa cave et cela aurait pu l'entraîner à de longs crédits et même à de fortes dettes. Lorsque la domestique revenait de sa mission, le bidon de bière était placé au milieu de la table ronde de Dob et une rangée de grands verres mise tout autour. L'œil d'oiseau circulait parmi les invités dans un pot à confiture et les plaisirs de la soirée commençaient. Ces plaisirs paraissaient consister principalement dans la consommation de la bière et du tabac. Quelquefois on envoyait la bonne chercher un second gallon de boisson et très fréquemment aussi elle rapportait une nouvelle provision de tabac, quoique chacun des visiteurs de Dob apportât dans la poche de son gilet une petite quantité d'une composition d'un aspect noirâtre qu'il déchiquetait et rassemblait par intervalles pour la mêler avec le tabac dit œil d'oiseau et à laquelle il donnait le nom de Cavendish. La quantité de bière que consommaient Dob et ses amis était quelque chose d'extraordinaire. Il n'était pas particulièrement altéré. Et le mélange d'ale et de porter, qui devenait de plus en plus plat à mesure que la soirée s'avançait, n'était sous aucun rapport particulièrement bon. Mais les invités absorbaient ce breuvage coup sur coup avec un aussi grand plaisir que si ce mélange brun, épais comme de la boue, qui remplissait leur verre, eût été le plus rare vin du Rhin. Avec de la bière et du tabac, les amis de Dob semblaient trouver un charme perpétuel dans sa société. Sans bière et sans tabac, il ne l'aurait pas supporté un instant. Car il arrivait quelquefois que les invités, oubliant l'heure, trouvaient le cabaret fermé, quand ils envoyaient renouveler leurs provisions. Et dans ces cas-là, tout à coup, au moment où la gaieté et l'entrain de la société étaient à leur comble, si le fond du bidon d'étain brillait et se révélait à travers le flot de bière qui baissait de plus en plus, les joyeux convives devenaient abattus et s'en allaient tristes et désespérés. Continuaient leur conversation, chantaient une autre chanson, écoutaient un autre récit, ou passaient ensemble amicalement une autre demi-heure sans bière, leur eût été tout à fait impossible. Et ils partaient, bien décidés, à mieux surveiller le bidon et l'heure la prochaine fois. Quand Dob était d'humeur expansive, il proposait quelquefois à ses amis de partager la viande froide. Puis tu le boulanger, restait de son dîner de famille, un nombre illimité de conserves très vinaigrées et une livre de pain rassis, mais cela n'arrivait pas souvent. Car l'esprit masculin le plus audacieux faiblissait devant le mécontentement fixé sur le visage de sa moitié, quand le dîner réservé pour le lundi avait disparu, dévoré par les imprévoyants convives du dimanche. La petite Dorothée, qui passait très souvent le jour du repos avec sa cousine Célina, avait joui fréquemment du privilège d'assister au festin du dimanche soir. Les cousins de campagne sont d'agréables gens à cultiver, et Célina Dob trouvait que ses politesses à Dorothée étaient avantageusement compensées par un panier venant de temps en temps de la ferme. Puis Célina aimait à entendre raconter tout ce qui se rapportait à Mademoiselle Marcia, ce qu'elle faisait, ce qu'elle portait, ce que ses chapeaux coûtaient, et si les dîners du parloir ressemblaient à ceux de la veille, et si Sir Gaspard continuait à vivre comme un ermite, et si ceci et si cela. Dorothée était toujours bienvenue quand il plaisait à son indulgente maîtresse de lui donner congé le dimanche, et il était bien entendu qu'elle devait être reconduite à la veille par les Dobbs ou ramenée par son père et rentrée à une certaine heure. Jusqu'à ces derniers temps, Dorothée s'était tout à fait résignée à quitter de très bonne heure le cercle joyeux. L'atmosphère créée par plusieurs pipes était quelque peu fatigante, et Dorothée trouvait très peu d'amusement dans la société d'une demi-douzaine de jeunes gens graves et dans les plaisanteries stéréotypées d'Henri Adolphe. Mais tout dernièrement, elle avait trouvé l'atmosphère chargée du tabac du petit salon encombré aussi délicieuse que l'air parfumé d'un paradis terrestre. Tout dernièrement même, Dorothée avait trouvé les bons mots de Dob amusants, ou du moins, elle avait trouvé amusant d'écouter une autre personne dont les accents enchanteurs n'étaient pas entendus par la société durant le rire qui suivait les saillies du commis. Ces derniers temps, Jarvis Cassron, le sous-lieutenant d'infanterie de marine, était souvent tombé inopinément au Villa Amanda, et par une singulière coïncidence, ces visites de hasard avaient toujours eu lieu les soirées que Dorothée passait chez sa cousine. Il était venu ces soirs-là parce qu'il savait qu'elle y était. Il la surveillait quand elle quittait la chapelle et découvrait ainsi tout ce qui la concernait. Il le lui disait. Il lui répétait qu'il l'aimait très tendrement et que nul autre ne serait sa femme. Il voulait seulement, disait-il, avoir le temps de se retourner pour quitter son ennuyeux corps et faire quelque chose pour vivre, puis il lui demanderait de l'épouser immédiatement, et alors, sans y prendre garde, il disait quelque chose de très vilain qui faisait pousser un petit cri à Dorothée, qui lui mettait ses mains potelées sur la bouche, et il ajoutait que sa famille ou ses amis pouvaient voir si cela leur convenait, et dire ensuite s'il y avait quelque inégalité de rang entre les Thursgood et les Caffron. Que diantre, voulez-vous que je m'intéresse à votre vieille famille, que vous êtes là en faire tant d'embarras ? Demandait Caffron, maussadement. Votre vieille famille veut-elle se charger de vous ? Si elle le voulait, j'aurais encore quelque chose à dire à cela. Votre vieille famille payera-t-elle vos dettes ? Pas le moins du monde. J'ai entendu mon père dire que dans son temps le banc du roi était peuplé de vieilles familles, et que plus il était certain que les ancêtres d'un homme venaient de Guillaume le Conquérant, et plus il était vraisemblable que cet homme mourait dans l'embarras. Notre famille peut remonter au temps d'Édouard le Confesseur, et c'est un précieux avantage que nous en retirerons, quand nous aurons mis notre cervelle à l'envers pour prouver que nous en descendons. Si nous pouvions rattacher l'autre bout de notre famille à celle d'un riche filateur de coton ou d'un puissant fondeur de fer, nous pourrions recueillir quelques récompenses pour notre peine. Mais si j'ai besoin de faire le moindre petit billet demain, Édouard le Confesseur ne sortira pas de son tombeau pour mettre son nom au bas. Et sa stupide vieille signature, d'ailleurs, ne serait pas digne du papier où il la mettrait, et même s'il pouvait écrire, je ne mets pas en doute qu'il ne le ferait pas. puisque l'autre individu, Guillaume, je ne sais lequel, n'a jamais mis sa griffe sur des billets de banque. Ainsi donc, Dorothée, si je vous épouse, c'est pour me faire plaisir à moi-même. Et Guénoir, le confesseur, aïe. La main potelée allait encore arrêter l'émission d'un autre vilain mot, et ensuite Dorothée cheminait à côté de son amant, fière et heureuse. Il agissait quelquefois comme mandataire de Dob, et l'escortait jusqu'aux portes du parc de Scarsdale. Car Dorothée avait mis Célina dans sa confidence, et cette dernière savait que sa cousine et le sous-lieutenant étaient engagés. Elle en avait même reçu la confirmation des lèvres de ce gentleman, qui lui avait assuré que ses intentions étaient tout à fait honorables. Mais qu'il demandait qu'on ne le révélât pas à Dob, qui était, disait Catherine, un bavard qui irait probablement raconter l'affaire dans tout Castleford. Donc Dorothée était engagée. La déclaration du lieutenant était venue très vite, et cependant elle ne pensait pas qu'elle fût venue précipitamment. Car une nouvelle existence semblait avoir commencé pour elle depuis le jour où, pour la première fois, elle l'avait vu la regarder dans l'humble petite chapelle. Et lorsqu'elle essayait de se rappeler ce qu'avait été sa vie sans lui, elle se perdait dans l'effort qu'elle faisait pour se souvenir du temps passé, au point qu'il lui semblait qu'elle n'avait pas existé avant ce jour, qu'elle ne devait jamais oublier. Tout ce qui s'était passé auparavant était si obscur et si effacé qu'elle ne pouvait plus rattraper le souvenir d'une seule heure de toute sa vie, jusqu'au brillant moment où, pour la première fois, son cœur avait palpité avec une si douce émotion qu'elle n'avait pas même essayé de calmer ses battements déréglés et de le lui faire reprendre son ancien petit train-train. Et cependant, Catherine était un amant fort ordinaire, qui ne disait que des choses banales d'une manière commune. Mais comme il était le premier amant de Dorothée, il avait le bénéfice de cet étonnant éblouissement qui appartient aux nouvelles émotions allumées dans un jeune cœur candide. Ses compliments pouvaient être rebattus et grossiers, mais ils étaient les premiers qui avaient fait rougir les joues de Dorothée. C'était lui qui, pour la première fois, lui avait dit que ses yeux bruns et ses lèvres roses étaient des objets charmants pour l'amour desquels Édouard le confesseur lui-même devait être jeté à tous les vents. C'était lui qui lui avait dit qu'elle avait de petites fossettes et que ces fossettes étaient adorables. Il pouvait être commun, mais ce n'était pas ainsi qu'il se présentait à Dorothée. Ce n'était pas le sous-lieutenant d'infanterie de marine, dissolu, sans ressources et sans un sou, que la fille du fermier rencontrait dans le parloir enfumé. C'était l'amour, toujours jeune et toujours beau. Ce dieu radieux, sous l'influence duquel Titania peut trouver la perfection dans la tête d'âne d'un menuisier de village, dont le souffle s'exhale des lèvres du Pyram à travers les crevasses d'un mur, et transforme les paroles les plus vulgaires d'un jeune homme en murmures d'un demi-dieu. C'est le même dieu qui visita Didon sous la forme d'aînée, et fit resplendir Télémaque aux yeux éblouis de Calypso. Quels sont les déguisements que ce dieu ne prend pas pour voiler sa divinité? Il peut en changer tant qu'il veut, son pouvoir est toujours le même, et il n'appartient pas à la forme qu'il revêt, mais à lui et seulement à lui. Louise de la Vallière peut boiter, mais l'amour n'est pas estropié. La timide Violette peut être marquée de la petite vérole, mais Rose n'est jamais infectée d'aucune des maladies des mortels. C'est seulement quand le divin Protée change de déguisement et prend l'apparence terrestre d'Athénaïs de Montespan, ou joue dans les rubans qui retiennent les boucles de Mademoiselle de Fontange, que le roi découvre combien la pauvre pénitente Louise était loin d'être d'une beauté éblouissante. Et alors, le céleste enfant demi-démon, demi-ange, se glisse dans la majestueuse personne d'une convenable veuve arrivée au milieu de l'âge, et fatiguée de tant de transformations, le divin esprit est bien aise de garder sa nouvelle forme, et les yeux de la prude Madame de Maintenon brille sur son bienfaiteur avec une flamme qui est aussi constante qu'elle est faible. Sûrement, quelquefois, lorsqu'il gémit sur ses tourments dans l'agréable société de sa seconde femme, l'imagination du grand roi doit retourner à ses anciens, bien anciens jours où Cupidon avait l'aspect de la belle nièce de Mazarin et où le nom de l'amour était Mancini. Dorothée avait rencontré le dieu sous un uniforme râpé avec des bottes d'un vernis douteux. Mais l'auréole de cette divinité entourait sa tête et le lui faisait apparaître sous la forme qui lui plaisait. Si quelqu'un avait dit à la fille du régisseur qu'Apollon était plus beau que Gervoise Cafron, que Lauzun était plus élégant, et Grammont mieux élevé, le docteur Samuel Johnson plus instruit. Elle aura seulement levé ses jolies petites épaules avec un ineffable mépris pour le mauvais goût de cette personne. Elle était engagée, engagée avec un gentleman. Sa petite tête se perdait dans l'enivrement de cette dernière idée. Oui, Édouard le confesseur n'avait plus rien à voir à cela, puisque Catherine y consentait. Il était gentleman et appartenait à une vieille famille. Dorothée avait assez entendu parler des anciennes familles, des écartelures, des doubles mariages, des généalogies, qui pouvaient remonter dans l'obscurité des siècles avant la conquête. Elle avait entendu discuter gravement toutes ces choses par Madame Browning, la femme de charge de l'abbaye, et son petit cœur enfantin se gonflait à éclater lorsqu'elle songeait combien il serait délicieux de changer son odieux nom de Thursgood, un nom qu'elle partageait avec des cousins qui étaient apprentis forgerons et avec des oncles qui ne savaient pas écrire, pour le beau nom bien sonnant de Catherine. Que son amant fût un mauvais sujet, remarquablement pauvre, qui empruntait des demi-souverains à Dob et auxquels il fallait rappeler leur nombre avant qu'il les rendît, était un fait qui ne faisait pas la moindre impression sur l'esprit de Dorothée. Charles Stuart, caché pendant plusieurs heures de suite dans les branches d'un chêne, ou fuyant à travers le pays déguisé en paysan, ou traversant la Manche dans le bateau du capitaine Tattersall, pouvait à peine être un personnage plus héroïque, considéré par des yeux non initiés. Mais il était néanmoins Charles II, roi de la Grande-Bretagne et d'Irlande, et la divinité qui protège même les rois déchus et errants dans le monde le ceignit encore de son auréole. De même qu'Afrone, empruntant des demi-souverains et portant des bottes douteuses, n'était qu'un prince caché sous un nuage et avait la marque de sa descendance saxonne inscrite en caractère irréfragable sur son noble front. Du moins Dorothée le pensait, et Dorothée et ses créanciers étaient les seules personnes qui s'inquiétassent de Catherine. La physionomie du lieutenant avait plutôt le type celtique que le type germanique. Ses cheveux et ses yeux noirs indiquaient l'introduction d'un sang méridional dans ses ancêtres saxons. Mais on ne peut pas s'attendre à ce que la même complexion se renouvelle pendant la plus grande partie d'un millier d'années. Et Dorothée finissait par déclarer, malgré les petits arguments qu'elle pouvait se faire à elle-même sur l'apparence physique de son amant, que quel qu'ait pu être Édouard le confesseur, Gervois était infiniment plus beau qu'aucun roi saxon qui ait jamais vécu sur la terre. Elle aurait aimé à informer sa généreuse maîtresse de son engagement, mais le lieutenant lui avait défendu toute confidence à cet égard. « Il y a une personne à l'abbaye qui me connaît, » disait Gervois, et si cela parvenait à ses oreilles, cela serait le diable. Quoique peu m'importe, car pourquoi m'inquiéterais-je d'elle dans cette affaire quand je ne puis jamais rien en tirer ?»« Je ne sais, » concluait le lieutenant, qui jamais n'était dans la même disposition d'esprit pendant 10 minutes de suite, et dont la conversation était positivement émaillée de « je crois » et de « peut-être » et de toute phrase de vocabulaire indiquant l'indécision. Cependant, vous ferez mieux de ne rien lui dire, parce que, voyez-vous, vous pourrez toujours le faire quand il en sera temps. Et comme je suis aussi enguignonné qu'il est possible de l'être, il n'est pas vraisemblable que je puisse vous épouser encore de longtemps. Mais quoique je puisse avoir besoin de garder les choses secrètes en ce moment cher, je ne sais trop pourquoi. Et cependant peut-être cela est-il mieux. N'importe. J'ai l'intention de bien agir avec vous, Dolly. Et je suis au-dessus de tout. Je vous appelle Dolly, d'après Dolly Warden, vous savez. N'était-elle pas la fille d'un aubergiste et amoureuse du fils d'un forgeron? Je me rappelle tout cela. Oui, cher, je ne suis pas particulièrement bon garçon. Mais je serai bon et sincère avec vous. Ainsi, venez-moi en aide. Cela était tout à fait une invitation à la petite main potelée qui vola à ses lèvres comme un petit oiseau grassouillet, et il la baisa adroitement avant qu'elle s'éloignât. Telles étaient les conversations qu'il se murmurait à l'oreille pendant les soirées du dimanche de Dob. Les amants jouissaient de la société l'un de l'autre dans un des coins du petit parloir. Ils étaient presque aussi isolés dans le monde magique de leur création que si les imitations de Charles Kane et de Paul Bedford du facétieux commis, eussent été le bruissement des feuilles de la forêt, murmurant doucement dans quelque impénétrable clairière. Dobb était beaucoup trop occupé de lui-même pour surveiller avec pénétration les actions des autres, et Célina protégeait les amants. Elle eût été peut-être un peu disposée à envier à Dorothée sa conquête aristocratique, mais comme l'aristocrate était pauvre et qu'il y avait peu de chances que le jeune couple pût avoir de longtemps une villa avec 6 pièces et une bonne à tout faire, elle ne le faisait pas. Madame Dobb prêchait la prudence, mais elle était presque reconnaissante de la senteur patricienne que la présence de Gervoise donnait aux réceptions de son mari. Elle était disposée à pardonner à Dorothée d'être jolie, et même elle allait jusqu'à admettre que la fille du fermier était assez agréable, quoique pour son goût, un teint pâle et des traits réguliers soit beaucoup plus intéressant, disait Madame Dobb, qui avait une figure maigre, qui avait l'air de savon jaune sculpté avec un canif, comme ces figures extraordinaires que modelait Prudhon dans les premières inspirations de son enfance. Dorothée était heureuse. Martial, entendant les pas de sa petite favorite, allait venir légèrement et en surveillant les divers rayonnements de bonheur qui se trahissaient sur sa franche et jeune figure, pensait avec un demi-étonnement combien la jeunesse est une belle chose puisqu'elle peut être si brillante même sans amour. Quelquefois, quand le bonheur de la jeune fille se révélait dans quelque éclat de rire d'une gaieté enfantine, Marcia songeait au vers d'Alfred de Musset et il aurait volontiers fait à sa petite femme de chambre cette question du poète. « Ninon, Ninon, que fais-tu de la vie? Comment vis-tu, toi qui n'as pas d'amour ?» Quelquefois, elle parlait à Dorothée de la maison de son père et de ses cousins les forgerons, pensant à demi qu'il pouvait y avoir quelque amour champêtre caché dans l'ombre, et que quelques mots d'encouragement arracheraient ce secret à sa petite protégée. Mais la fille du régisseur parlait de ses cousins et des connaissances de sa famille avec une liberté insouciante, qui était tout à fait incompatible avec quoi que ce fût qui ressemblât à un tendre attachement de ce côté. Et Marcia ne savait rien des soirées de Madame Dobb, car Dorothée avait évité avec soin de parler à sa maîtresse de ces réunions où l'on buvait tant de bière et qui auraient semblé des orgies si vulgaires à la fille de Sir Gaspard. Marcia était disposée à croire que c'était le bonheur de la jeunesse seulement, qui rayonnait sur la figure de Dorothée. C'est seulement quand nous sentons que la jeunesse s'envole qu'il nous semble triste de ne pas être aimé, pensait Marcia. Elle voyait son 24e anniversaire de naissance s'avancer furtivement vers elle et se trouvait terriblement vieille. Elle se regardait quelquefois dans la glace. Non, il n'y avait pas encore de rides sur cette pâle figure. Ses yeux bruns étaient clairs et lumineux. Mais quelle froide lumière semblait s'en échapper, si on la comparait avec le bonheur qui rayonnait toujours dans les prunelles brunes de Dorothée. Quel air de tristesse calme était étendu comme un voile sombre sur la figure que Marcia contemplait, lorsqu'après avoir regardé sa petite femme de chambre, elle se regardait elle-même. Y a-t-il quelque chose d'étonnant qu'il y ait cette différence entre nous, pensait-elle. Son père l'aime, elle a des frères, des sœurs et des cousins, tandis que moi je suis seule. Je me figure quelquefois que je vois un tableau représentant mon père, me regardant comme si j'étais morte. Pauvre Marcia, pauvre fille, dirait-il, et dire que chacun finit comme cela. C'est très triste et très désagréable. Il hausserait les épaules et se mettrait à courir le pays, marmottant quelques citations de Voltaire, de Holbach ou de Condorcet. Ah, papa, si seulement vous m'aviez aimé. Je pense que je vous aurais détaché de Voltaire. Elle joignait involontairement les mains, et soudain des larmes coulaient de ses yeux, car cette supposition faisait apparaître devant elle l'éclatante vision de ce qu'aurait pu être, celle d'un père abandonnant la sèche et tranchante logique des encyclopédistes, pour écouter les simples paroles qui revêtent toujours les sublimes pensées dans le langage ordinaire.